finis ta vie. On n'est plus donc fait qu'un. Quand t'as mal, ça me pique. Pour y partir en guerre, pour prouver que je t'aime. Si elle touche à ta chair, pour y penser tes plaies. Dans les bras de mon soldat, je suis en sécurité. Face aux épreuves, mon collier d'immunité. Cheveux, je sors les crouches, deviens mauvais. Et tous les gens mauvais, mauvais.